On va parler de la Coupe Grey, c'est la dernière chronique de la SCF. Bon, on va y parler de temps à autre maintenant, quand l'actualité va le demander, avec notre collaborateur Pascal Masson. Salut Pascal. Salut Dan. Pascal, effectivement, c'est malheureusement la dernière chronique. C'est plate parce que c'était vraiment le fun, encore une fois, cette année, de collaborer, que tu collabores avec moi. Pascal, si on y allait maintenant avec ce qui s'est passé hier, ça, c'est vraiment un match typique de la Ligue canadienne de football. Hein? Le froid, la tempête de neige, c'est ça la SCF. Ah, c'était de toute beauté, exactement. Pendant que je faisais l'analyse de la NFL, puis on voyait le début du match à Ottawa, en fait, le début du réchauffement, je disais justement à mon collègue que il me semble que moi, là, je ferais que toutes les Coupes Grey sont à l'extérieur, pas dans un stade comme l'ancien stade de BC ou quelque chose comme ça. Là, vraiment, là, un stade là extérieur où on peut profiter du froid puis vraiment voir là, le football canadien. Écoute, c'est un football différent. Donc, c'est vraiment le fun lorsque la finale est dans la neige, dans le froid. Là, on peut vraiment sentir cette atmosphère-là. De mémoire, c'était la dernière, c'était la Coupe Grey. C'était la dernière Coupe Grey qui avait lieu de cette température-là qui ressemblait à ça. Là. C'est de 1996. Les Eskimos d'Edmonton contre les Argonauts de Toronto, dans le temps de Pierre Vercheval, dans le temps de Doug Flutie également. De mémoire, c'était ça. Je ne sais pas si tu te rappelles du fameux match que je te parle. Je me souviens d'un match après ça là, qui avait eu lieu, là, la Coupe Grey entre les Alouettes et les Eskimos. Oui, en 2002. Pat Woodcock là, il avait fait un retour de beauté, beauté manquée là, dans le froid, dans la neige. Il avait mystifié tout le monde pour un long retour. Là, donc, je me souviens aussi, je me souviens plus exactement c'est quelle année, là, mais c'est une des années que les Alouettes avaient gagné une Coupe Grey aussi. OK. Pascal, est-ce que les Stamp Beaters de Calgary sont les Bills de Buffalo? Non. Non, parce qu'ils ont gagné. Écoute, les Stamp Beaters, ils en ont gagné des Coupes Grey. C'est sûr que ça fait deux de suite qu'ils perdent dans les deux dernières années. Puis deux façons un peu de la même façon, dans le sens on perd contre une équipe de l'Est. Là, on pourra plus dire tout. Il va falloir attendre jusqu'à la Coupe Grey, jusqu'au résultat de la Coupe Grey, avant de dire que l'Ouest est vraiment plus forte que l'Est maintenant. Ça fait deux ans de suite que l'Est finit par gagner la Coupe Grey avec un record, là, avec une fiche là, vraiment vraiment inférieure à l'Ouest. Mais ils jouent des gros matchs dans des moments importants, puis c'est tout à l'honneur des Argonauts. OK. Si beaucoup de monde blâme ce matin Dave Dickinson, je voyais dans le Calgary, dans les médias de Calgary, entre autres, pour son jeu, c'était d'avoir commandé une longue passe de Bo Levi Mitchell à la fin du match, ça a été intercepté. Mais si Holden n'échappe pas le ballon, est-ce que les, dans la séquence avant, là, est-ce que les Stamps, c'est plus le même match du tout, là? Oui, c'est tout à fait ça, le jeu clé du match. Ouais. Les Argonauts, ils ont gagné une Coupe Grey en 3-4 jeux, là. On s'entend que du côté des Stampeders, on a fait exactement ce qu'il fallait faire, à l'exception d'une chose, c'est les revirements. Mm. Les revirements ont coûté le match. Et les Argonauts ont été opportunistes à 1000%. Oui, on peut blâmer un entraîneur pour l'appellation d'un jeu. Malgré tout, est-ce que la première lecture était vraiment censée d'être lancée là? Est-ce que ce jeu-là avait une première lecture ailleurs? Et Bo Levi Mitchell, lui, a cru au match-up qu'il avait, a mal vu Matt Black, puis tu sais, c'est comme tous ces facteurs-là que nous, on ne sait pas exactement. La chose là, lorsque au football, moi j'ai une règle, qu'après un match, quand tu prends la règle du si, OK, donc si on change ce jeu-là, mais l'autre côté a le droit à un si aussi, là. Ouais. Tu dis OK, on lance pas une passe profonde, OK, ben d'abord nous, on enlève ce jeu-là. Au bout de la ligne, le résultat est le même. Et puis malheureusement, on était en position pour au moins égaliser le match, effectivement. Est-ce que ça aurait été fait? On le sait pas. Est-ce que le botté aurait été manqué? Est-ce que, tu Ouais. sais, Surtout des donc, conditions comme ça, une mauvaise remise, tu sais, une mauvaise remise oui. peut faire en sorte que ça change complètement le bord. Puis Dieu sait que des mauvaises remises dans des conditions comme ça peut arriver, là. Non, oui, tout à fait. Puis, écoute, c'est un beau match de finale qui se gagne dans les dernières secondes. Moi, je trouve ça fantastique. OK. La Coupe Grey pour Toronto. Tu sais, c'est pas facile. Ils vivent d'un marché qui a beaucoup, beaucoup de sport. Ils sont en compétition féroce avec les Raptors, les Leafs, les Jays, et ainsi de suite. Ça représente quoi, cette Coupe Grey-là? Est-ce que finalement, parce que ça n'a pas été facile au niveau des assistants cette année à Toronto, là. Est-ce que ça, finalement, ça va faire en sorte que ça va aider à relancer le football canadien à Toronto? Ben, au moins, ça va garder les partisans qui sont déjà présents, là, ceux qui existent déjà à Toronto, avec une Coupe Grey. Bon, mais tu gardes ces partisans-là, puis tu vas ajouter certainement un autre nombre là à ça. Dans un cas contraire, si tu prends la pire équipe de la CFL, puis je la nommerai pas, mais eux Non. perdent des partisans à chaque année. Non. Donc, c'est sûr qu'une Coupe Grey comme ça fait une grosse influence pour une organisation. Puis, comme tu le dis, à Toronto, c'était pas évident. Là, on va voir des joueurs qui vont s'impliquer dans la communauté durant la saison morte. L'équipe de promotion marketing devrait faire ont tout ce qu'il faut pour faire du bon travail durant la saison morte. On a Mark Trestman qui va revenir. Je vous rappelle que Mark Trestman est arrivé après la bataille des agents libres, est arrivé sur le tard là, à Toronto. Là, on a connu Mark Trestman à Toronto. T'sais, je veux dire, du côté des Argonauts, il y a juste du bon qui s'en vient, là. Oui, effectivement. Donc, on a très hâte de voir qu'est-ce qui va arriver maintenant avec les Argos. Pascal, le commissaire, je ne sais pas si tu as entendu ça, le commissaire de la Ligue canadienne voudrait ramener la Coupe Grey au mois d'octobre. T'as-tu vu ça? T'as vu ça passer? Non. Le nouveau commissaire, parce que c'est un nouveau commissaire qui Oui. voudrait Oui, tout à ramener fait. la Coupe Grey en octobre. Pourquoi? En octobre, bon. Mi-octobre. Moi, je trouve que non. Moi, je trouve qu'un match comme hier, c'est vraiment le football canadien. Ouais, mais ça dépend à ce que tu fais avec le reste, là. Est-ce que t'enlèves tu raccourcis la saison, tu sais, c'est comment, est-ce que la saison débute plus tôt? Parce Sûrement que la moi, terminer. Ouais. je serais pas contre le fait de couper quelques matchs Ah oui, OK. de la Ligue canadienne. Au nombre de écoute, la saison de la Ligue canadienne est très longue. Puis moi, j'étais un grand fan de football, là. Puis 18 matchs, Oui, c'est long. ça devient essoufflant. Puis quand tu regardes l'alignement d'une équipe au mois de mai, puis son alignement au mois de novembre, il y a à peu près 40% de l'équipe qui n'est pas le même, tu sais. Donc ça, pour moi, ça serait pas une mauvaise nouvelle de tomber peut-être à 15 parties. Déjà dans la NFL, on s'entend, là, c'est 16 matchs, puis c'est 18 dans la Ligue canadienne. Je sais qu'il y a une question financière là-dedans, parce que couper des matchs, ça veut dire qu'on fait moins d'argent Par contre, deux matchs, avec. moi, je trouve ça court. Deux matchs en saison, je trouve ça très court. Pour bien évaluer, ça a déjà été quatre matchs, Pascal. Non, dans le passé, mais oui. T'sais, je trouve ça très court. Deux matchs, je trouve ça ouf. T'sais, ça pourrait être plus long un petit peu. Ben. Oui, c'est sûr. Là, je vais faire l'avocat du diable. Pour un partisan, ça peut être. Puis peut-être un entraîneur-chef, ça peut être court un peu. Je vais te dire que pour un joueur, le camp d'entraînement, ça commence 2 semaines avant le premier match hors concours. Tu rajoutes à ça 2 autres semaines pour les matchs hors concours. Donc, on est à 4 semaines de camp d'entraînement. C'est long. C'est exigeant physiquement. Et puis, souvent, ce que tu vas faire, c'est que tu vas protéger tes bons joueurs pour pas trop les fatiguer de toute façon. Fait que si tu rallonges la pré-saison, tu peux évaluer tes plus jeunes ou tes nouveaux joueurs. Mais non, écoute, faudrait que j'aie une bonne discussion avant de prendre une décision si je suis pour ou contre. C'est sûr que le chevauchement entre, tu sais, la difficulté là, de la Ligue canadienne, en fin de semaine, on avait la Coupe Grey. Dans la 11e semaine, 11-12e semaine de la NFL, où les positions